Là-haut, la prochaine émission, c'est une présentation de MMAnouvelle.com. Pour tout savoir sur le MMA, c'est pas compliqué. Vous vous servez de votre clavier, vous vous rendez sur MMAnouvelle.com. Puis là, s'ouvre à vous une nouvelle vie des jeux, des paris virtuels. Si vous voulez connaître vos capacités, vos connaissances sur le MMA, il y a également des quiz. Tout pour redécouvrir la vie, on vous invite sur MMAnouvelle.com. Bonne émission. Alors, bonjour tout le monde, en France, au Québec, un peu partout dans la francophonie. On est content de vous recevoir. Je suis accompagné, évidemment, de Frédéric L'Homme Nouvelle Garcia. Vous écoutez La Voix des guerriers et on va parler avec Sébastien Garguier. Au Québec, on a appris à le connaître puisqu'il était de la première carte de la MFL où il avait perdu son combat face à Guillaume de Lorenzi. Mais honnêtement, je pense que tout le monde a apprécié Sébastien Garguier parce qu'il nous a démontré que c'était un gars qui avait du cœur au ventre. On a bien aimé ses prestations, tellement que je pense, et Sébastien Garguier pourra nous le confirmer, qu'il sera de la prochaine carte de la MFL le 27 février prochain. D'abord, bonjour, M. Garguier. Oui, bonjour. C'est bien le cas. Vous allez être de la prochaine carte de la MFL face à Martin Grandmont le 27 février prochain? Oui, voilà, tout à fait, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres combats entre-temps de prévu ou c'est votre prochain combat, c'est vraiment à la MFL? Non, je vais combattre au Costa Rica le 13 février. Ah, OK. Puis, dites-moi, qu'est-ce que vous connaissez de l'adversaire que vous allez affronter? Nous, on le connaît quand même relativement bien, le Martin Grandmont. Est-ce que vous le connaissez bien? Non, je ne le connais pas du tout. Ah, OK. Est-ce que vous aimez préparer un affrontement? Est-ce que vous allez essayer d'aller obtenir le plus d'informations possible sur Martin Grandmont avant de l'affronter? Ou vous aimez mieux arriver là, puis ne pas vraiment se fier à son style et y aller comme vous le sentez? Non, ça ne me dérange pas de me renseigner avant. J'y vais et je vois le jour du combat. D'accord. Voilà. Ben, on peut vous dire que Martin Grandmont, c'est un gars qui aime échanger debout. Vous avez affronté Guillaume de Lorenzi, qui est un lutteur très fort physiquement, qui aime travailler au sol en grand end pound. Oui. Le Martin Grandmont qu'on connaît, c'est un gars qui aime échanger debout. Puis je pense que ben vous, à l'instar de Ferré de Kader, vous avez l'occasion de vous entraîner avec Sean Tompkins. Oui, voilà, tout à fait. Et probablement qu'il va pouvoir vous aider un peu là-dessus, puisque Martin Grandmont a affronté au moins deux anciens gars de Sean... Ben, pas deux anciens, deux gars qui s'entraînent toujours avec Sean Tompkins. C'est-à-dire, il a affronté et Sam Stout et Chris Clements. Est-ce que vous en avez déjà discuté avec Sean Tompkins? Non, je n'en ai pas encore parlé, mais bon, je pense qu'il pourra me conseiller. Effectivement. Sébastien Garguier, dites-nous, depuis quand vous êtes à Las Vegas et vous vous entraînez intensivement en MMA? Est-ce que ça fait longtemps que vous avez quitté la France? En décembre 2008. Puis, je m'entraîne tout le temps aux États-Unis maintenant. Est-ce que la France vous manque? Ben, ça me manque toujours un peu, c'est normal. Mais bon, je suis bien mieux ici pour mes entraînements, donc la balance, elle pèse plus d'un côté que l'autre, donc ça ne me dérange pas d'être reparti. Puis en même temps, je pense qu'il y a quelques Français qui vont faire... il y a Ferid Kader, évidemment, qui est là avec vous, puis Bendy Casimir, je pense qu'il est allé faire un tour. Il y a d'autres Français également qui vont avec vous s'entraîner à Las Vegas régulièrement. Vous avez l'occasion de côtoyer d'autres combattants français? Parfois, oui, on a une bonne équipe, donc c'est bien. Plusieurs Français, donc ça fait plaisir. On est solidaires. C'est bien. Est-ce qu'on va voir quelque chose de nouveau de vous? Nous, on vous a vu qu'à une seule reprise face à Guillaume de Lorenzi. Est-ce que depuis, vous avez amélioré une facette de votre jeu? Est-ce que vous avez changé les choses? Est-ce que... Dans quoi vous vous êtes amélioré? Qu'est-ce qui a changé de vous depuis votre prestation à la MFL 1 l'année dernière? Ben, en fait, je travaille tous les jours. Et je travaille sur tous les domaines. Donc, pas quelque chose en particulier, je travaille tous les domaines qui me permet pour faire le MMA, quoi, en fait. Est-ce que vous avez un modèle d'un combattant au niveau international à laquelle vous aimeriez que vous aimez son style et que vous aimeriez peut-être éventuellement être ressembler à un combattant quelconque? Est-ce qu'il y a un style de combattant que vous appréciez particulièrement? Qui sont les combattants que vous aimez là, à l'heure actuelle au niveau international? Bah, j'aime bien tous les combattants, chacun son style. Et c'est ce que je trouve plus beau, c'est chacun son petit quelque chose. Donc, personnellement, une personne particulière, non. Tous les combattants, ils me font bien plaisir à regarder tout ça. Et Las Vegas, est-ce que c'est dur de rester concentré sur votre entraînement parce que c'est une ville avec beaucoup d'action? Alors, j'imagine qu'il faut avoir beaucoup de vouloir pour rester concentré et aller s'entraîner à tous les jours. Non, non, c'est pas dur parce qu'en fait, je m'entraîne beaucoup, donc en fait, je pense qu'à me reposer et puis après, bah, je renchaîne directement pour me rentraîner et en fait, ça, en fait. Donc, j'ai pas le temps de m'amuser, quoi. Je m'entraîne. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous aimez de ce sport-là? Est-ce que vous aimez autant l'entraînement que le combat en tant que tel, que la préparation qui va tout autour de ça, l'entrée que vous faites dans un combat? Qu'est-ce qui va vous donner, qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir dans le MMA? Bah, le plus grand plaisir, c'est le combat. La soirée, c'est avec le monde, ça, la foule, toute l'ambiance qu'il y a, c'est ce que je préfère. Et puis, bon, vos derniers combats qui ont été disputés au Costa Rica, est-ce que vous avez apprécié l'ambiance qui régnait au Costa Rica? Oui, très bonne ambiance. Et parlez-nous un peu, bon, au Québec, est-ce que vous avez apprécié l'accueil des spectateurs québécois? Oui, c'était génial. J'ai bien aimé aussi. Franchement, j'ai apprécié. Ben, Sébastien Garguis, on vous souhaite bonne chance. On a hâte de vous revoir à la MFL 2, au premier MFL, je me répète, mais franchement, Rendez-vous. est-ce que vous avez été déçu au premier engagement que l'arbitre arrête le combat parce que vous ne sembliez peut-être pas en danger quand même? Le combat aurait pu continuer. Puis bon, Farid Kader nous avait dit en parlant de vous que votre force, c'était vraiment que vous aviez beaucoup de cœur et que vous aviez également une résistance physique, un cardio à peu près sans faille. Est-ce que vous pensez encore, parce que si je ne me trompe pas, vous avez remporté tous vos combats par soumission, est-ce que vous pensez que vous auriez pu peut-être à la fin du deuxième round ou au troisième engagement venir à bout de Guillaume Delorenzi puis sortir une soumission dont peut-être une clé de genou, là, un knee-bar que vous avez fait également dans un de vos derniers combats? Est-ce que vous pensez que vous auriez pu remporter ce combat-là contre Guillaume Delorenzi? Ben, je ne sais pas si j'aurais pu le soumettre, mais pour moi, je trouve que le combat est arrêté un peu trop tôt, et en fait, j'aurais pu peut-être avoir une opportunité de le soumettre. Pour moi, dans le combat, je ne vois pas pourquoi il m'a arrêté, j'étais pas en danger. C'est vrai, j'ai pris des coups, et il me mettait dans le front. Pour moi, il n'y avait aucun risque. J'ai donc arrivé, donc l'arbitre m'a arrêté d'un coup. Sur le moment, j'ai cru que c'était l'arrêt du round, et en fait, non, il m'avait arrêté, j'ai pas compris. Ça, bon, ça doit être décevant parce que un combat, ça se prépare. Vous passez beaucoup d'heures à l'entraînement. On vient de parler à Farid Kader. Vous suivez à peu près ce rythme-là. C'est un sport de fou quand même que vous pratiquez. Nous, on aime ça le regarder. On aimerait moins le pratiquer, mais on comprend que vous mettez tellement d'ardeur au travail et d'avoir un combat où l'arbitre arrête le combat comme ça. Est-ce que ça a été long pour vous d'oublier ça ou le lendemain c'était correct? Est-ce que vous avez gardé un peu de frustration envers ça? Ben, en fait, ça m'ennuie vraiment, mais bon, si vous voulez faire la décision de l'arbitre, je suis obligé de passer à autre chose, et ben, je suis retourné le lundi à l'entraînement, et voilà, on repart sur autre chose, hein. Pas trop grand-chose à faire, hein. Oui, ben en même temps, je pense que ça fait partie du sport. Puis honnêtement, moi, comme amateur de ce sport-là, je préfère qu'un arbitre commette l'erreur d'arrêter un combat un peu trop tôt que le contraire, évidemment, parce que le plus important, c'est la santé physique des combattants. Bien sûr, attends. Mais moi, je pense pas, je Il m'avait pas averti que de bouger. Ou... En fait, j'étais surpris. Il m'a dit stop. Et j'ai pas... comme si c'était la fin du round. C'est pareil. J'ai pas eu d'avertissement, même pas une fois. Je comprends pas. Mais je dois vous dire. Je dois vous dire une chose. Je n'ai pas sauté, rien du tout, parce que, comme je vous l'ai dit, il m'a frappé. Les coups, je les prenais dans le front. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas vraiment. Hein. On a un problème, je pense. Je ne sais pas si c'est pareil un peu partout à travers la planète, mais au Québec, on a peut-être l'un de nos problèmes, c'est au niveau des arbitres. On a Yves Lavigne, qui est un excellent arbitre, qui d'ailleurs officie au UFC, entre autres, puis dans les événements québécois. Mais on a également d'autres arbitres. Je me souviens plus de c'était qui l'arbitre qui a arbitré ce combat-là entre vous puis Guillaume de Lorenzi. Mais on a également quelques arbitres qui ne sont pas encore au niveau. Ça, c'est l'une des grosses lacunes, je pense, en MMA. C'est que l'arbitre, c'est tellement important dans ce sport-là. Il doit absolument connaître ça. Puis, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Souvent, on a des arbitres qui sont plus spécialisés en boxe, mais on leur dit un événement de MMA, vous deviez officier un événement de MMA. Puis, rendus au sol, ils sont un peu nerveux, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ça donne droit à des arrêts, des fois, un peu trop rapides. C'est malheureux pour vous, les combattants, qui, on le sait très bien, là, c'est vraiment un sport très dur physiquement. Vous mettez beaucoup de temps à l'entraînement. C'est des erreurs qui peuvent être regrettables. Oui. Là-dessus, Sébastien Garguy, la meilleure des chances pour votre prochain combat. Nous, on va suivre ça. J'ai peut-être une dernière question pour ma part. Bon, l'adversaire que vous affrontez, Martin Grandmont, maintenant s'entraîne en permanence avec le Tristar, qui est là où s'entraîne Georges Saint-Pierre, puis Kenny Florian également va faire un tour là à l'occasion. Rachad Evans, bon, c'est avec le cas de Greg Jackson. Entre autres, mais également, il y a un échange avec le Tristar, les gros combattants parmi les meilleurs au monde qui s'entraînent avec le Tristar et le coach Firas Zabi. Est-ce que ça peut, à quelque part, intimider, lorsque vous allez voir que vous affrontez Martin Grandmont et peut-être autour de lui, vous allez voir des Georges Saint-Pierre, des gros noms de l'équipe du Tristar. Est-ce que ça peut vous intimider? Non, pas du tout. Je pense que... On peut avoir le meilleur coach, et ça dépend vraiment du combattant, hein, c'est personnel ça. Donc, qui peut s'entraîner avec le meilleur, tant mieux, mais ça ne changera pas le combattant qui est en lui. Non, ça ne fait pas peur. En fin de compte, j'ai d'autres questions, je m'excuse, mais là, vous combattez évidemment chez Martin Grandmont. Ça, vous appréciez d'être là, puis bon, évidemment, c'était la même chose face à Guillaume de Lorenzi. Là. Pas qu'on n'aime pas les Français, mais évidemment, au Québec, on est chauvin aussi. Puis à peu près tout le monde là, qui va être là pour aller voir le combat va souhaiter que Martin Grandmont parte avec la victoire. Est-ce que ça vous aimez quand même être l'espèce de Rocky, là, dans Rocky IV, lorsqu'il s'en va en Russie pour affronter Ivan Drago? Est-ce que c'est un sentiment que vous aimez ou la pression est peut-être pas sur vous, mais sur l'adversaire, puis les spectateurs attendent rien de vous? Non, c'est pas ça, j'y pense pas. Moi, je vais, je rentre dans la cage et je pars à la guerre. Dans ma tête, c'est ça, je pense à rien d'autre autour et voilà. Ben, honnêtement, ça ne dérange pas. Ça l'a paru également dans votre combat face à Guillaume de Lorenzo. On a vu un véritable guerrier et c'est pour des gars comme vous qu'on fait une émission qui s'appelle La Voix des Guerriers. Sébastien Garguy, c'est un plaisir pour nous. Puis on va suivre votre carrière et on a hâte de vous voir pour la MFL 2. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.